crush the image. What if I should? Now, unless. What if I should? Ce qu'on attendait, c'est l'ouverture d'un spectacle, d'un spectacle en fait, qui est une belle découverte que j'ai faite et que je vais partager avec vous cette semaine dans la première demi-heure de l'émission. Bon, au début, il y avait comme en toile de fond Steve Marin. Tomber lentement, ce sont des choses qui arrivent pendant quelques secondes. Mais essentiellement, on écoutait Supremo Ouverture Master. Et c'est, je le disais, l'ouverture d'un spectacle qui s'appelle Rock Supremo. C'était en fait un spectacle de ballet-théâtre qui rendait hommage à un héros de l'indépendance des Philippines, Andres Bonifacio. La pièce qu'on entendait est du groupe Tarsius. Tarsius est un groupe de musique électronique basé à Manille, formé de Diego Mapa et Jay Gapasin. C'est intéressant parce que à travers ce spectacle, on va découvrir quelques groupes rock, quelques groupes rock alternatif et enfin reggae et autres des Philippines. Le spectacle a eu lieu en septembre 2013 et toutes les pièces jouées lors de ce spectacle, toutes les pièces sont disponibles gratuitement sur le site web SoundCloud. Je vais mettre sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net le lien vers l'endroit où vous allez pouvoir vous procurer, si vous le souhaitez, une ou toutes les pièces, les 11 pièces qui ont été jouées à l'occasion de ce spectacle. J'ai lu une critique très positive. En fait, j'ai lu plus qu'une critique positive sur ce spectacle. Entre autres, une parue dans le Manila Standard. Je pourrais mettre un lien, tiens, vers cette critique. Manila Standard Today. Il faut dire que l'écriture du livret, la scénographie, la mise en scène avaient été confiées à des individus réputés dans leur pays. Il faut dire aussi qu'on avait fait appel à de très bons groupes et chanteurs du moment aux Philippines. Un mot sur Andres Bonifacio. Il est né en novembre, le 30 novembre 1863, donc c'était le 150e anniversaire de sa naissance. C'est un des chefs de la Révolution philippine contre le gouvernement colonial espagnol. C'était la première révolution en Asie contre un gouvernement colonial européen. Il faut le faire. Bonifacio proclame l'indépendance des Philippines lui-même. Il prend l'initiative. Il était à la tête d'un groupe qui luttait pour l'indépendance. Et il proclame l'indépendance le 23 août 1896. Un peu comme Robert Nelson le fait ici au Québec en 1838. Bon. On n'est pas encore indépendant, mais en tout cas. Toute la tragédie de sa vie réside non seulement dans sa lutte contre le colonisateur, mais aussi dans le fait qu'un autre chef de la lutte pour l'indépendance, le général Aguinaldo, a ordonné de l'arrêter. Il l'a fait accuser de trahison et de sédition. Il a été reconnu coupable et exécuté le 10 mai 1897. Les historiens philippins ont réussi à montrer son rôle fondamental pour l'indépendance des Philippines. Il est devenu un héros national. Il y a de nombreux monuments à son un peu partout de lui aux Philippines. Et il figure même sur les pièces de monnaie, c'est dire donc à quel point il est devenu. Il est passé de traître à héros. On va écouter d'autres pièces de ce spectacle. On va écouter d'abord Sintensia de Periodico. Ensuite, on va écouter Hi Emilio de Radioactive Sego Project, puis Casadores de Doug Abbey. À tantôt. Ito nga ba ang para? kapis na ang mga ulap sa mampuntis. Inugoy nila ang supremo sa mabigat na duyan, dugoan, sugatan. Kapalaran ay di matiis. Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! Sa inyo ni Utol, meron din ba silang mga bagay na pinutol? At gaano ba kalupit ang iyong inis? Inahasa rin ba nila si Mrs. Ang supremo ang pinanganak sa tondon, ang edipis sa mga gondon. Pero ang tanong, ang nahukay nila nung Bonifacio, atapang a tao. Andres Bonifacio, a init a ulo. Andres Bonifacio, atapang a tao. Andres Bonifacio, a init a ulo. Andres Bonifacio, atapang a tao. Andres Bonifacio, a init a ulo. Laging traffic sa monumento, siyang hinahayon ang bawat makita nilang malalaman pinag- kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores. Bahayan ay sinasaliksik bilak na makita sa busa ang silid. Gayon ang alahas at piniling damit katulad ay sisiru sa limbas tinaging sa mga babae na matatagpuan. Mga unang bati ang gawang mahalay, kamundik man lamang ginagpipitagan sa puring malinis na iniingatan. Ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores. At ang mga anak ng kamatis sa pakwan, bilon at iba pang pinamumuhanan, walang nalalabi sa pag-aagawan ng mga kastila kung matatagpuan. Lahat na makita nilang magagat at sagad haharangin dadalhin sa ulap. Tuloy lalaklakin na mga duling at hanupang at wala nang pinalalampas. Nalang kasadores, hindi nararapat kundi sakadores, pangukol itawag. Bakit sa tagay malayo at agwan, mandihan at tayong matakaw at tuwa. Ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga kasadores ang mga sakadores. C'était Casador et de Dong Abbé. C'est une des pièces qui jouait dans le spectacle Rock Supremo. Il faut imaginer avant d'écouter la dernière pièce de ce spectacle qu'on va écouter aujourd'hui. Il faut imaginer la veuve d'Andrés Bonifacio, la veuve qui s'appelait Gregoria de Jesus. Il faut l'imaginer scrutant les montagnes pendant des mois, espérant que son amoureux revienne la voir, parce qu'il devait se cacher. Il faut imaginer sa douleur aussi quand elle a appris qu'il avait été exécuté. La prochaine pièce, la dernière de la demi-heure, c'est une pièce qui a été de Kai Onasan. Kai Onasan, c'est une jeune, elle a 25 ans, elle a appris très jeune le piano dès l'âge de 5 ans. Et puis un jour, à l'adolescence, elle a décidé que c'était un peu compliqué de transporter le piano pour jouer dans des groupes. Elle a décidé d'apprendre le ukulélé, un instrument typique du sud-est asiatique. Elle a formé un groupe et ils se sont mis à jouer. Elle est de plus en plus populaire. Elle est invitée dans des émissions de radio. J'ai un peu lu sur elle et c'est une étoile montante aux Philippines. Et là, elle a fait Liwanag. C'est une chanson tout en contraste parce que c'est une chanson qui a été faite pour un pas de deux. Imaginez un pas de deux, donc, un peu lyrique. Un pas de deux, c'est un style de danse dans le ballet, un type de danse dans le ballet. Donc, imaginez ce pas de deux, très lyrique, où deux êtres très amoureux se rapprochent l'un de l'autre. Sauf qu'il faut, en même temps qu'on écoute, imaginer aussi tout le drame que va vivre cette femme, parce que le pas de deux, c'est au moment où elle se marie avec Andrés Bonifacio. Et à ce moment-là, évidemment, quand on se marie, on imagine que le futur va être aussi heureux que le moment qu'on vit, un moment où on se marie. Mais ça ne sera pas le cas dans la vie de Gregoria de Jesus. On écoute donc Kai Onasan dans la pièce Liwanag. C'était Liwanag de Kai Hanasan. C'était chanté en tagalog ou tagal. C'est une des 170 langues des Philippines. Vous avez bien compris, 170 langues aux Philippines. C'était donc une des pièces de la très belle, en fait, de ce bel ensemble. Enfin, certaines pièces sont moins intéressantes que d'autres, mais globalement, c'est fort intéressant, ces pièces, toutes ces pièces que vous pouvez vous procurer gratuitement sur SoundCloud. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre le lien vers toutes ces pièces sur le blog de l'émission Les Oreilles ailleurs en un seul mot.net un peu plus tard dans la journée. On s'en va en publicité et après la pause, on demeure dans le sud-est asiatique, dans les sud-est pacifique, et on s'en va du côté de la Nouvelle-Zélande. À tantôt. C'est KRL 89.1. Des nouvelles? Non. Inquiète-toi pas pour moi, Jim. J'espère juste qu'il va revenir. Faites-vous-en pas, Kate, il va revenir. On en revient tous. D'une drôle de façon, on a tous notre étoile. Celle de notre honnêteté. Je pense pas qu'il soit allé bien loin. Il voulait probablement juste être tout seul pour regarder son étoile s'éteindre. En autant qu'il revienne. Ils étaient tous mes fils d'Arthur Miller. Dans une mise en scène d'Edith Patnaud au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Du 4 au 9 mai, 19h30, 10$ adultes, 5$ étudiants. Pour information, 418-643-9833. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD.

en employant des moyens artistiques. Elle-même, d'ailleurs, elle se définit comme une activiste politique. Sur le site du groupe, en ce moment, il y a un appel à la transparence dans les négociations secrètes en vue d'un accord de libre-échange transpacifique. Ces fameuses négociations d'accords de libre-échange qui se font entre pays, mais auxquels les lobbyistes des multinationales ont accès, mais auxquels les groupes qui représentent la société civile n'ont pas accès, hélas. Elle s'inspire pas seulement de sa culture personnelle, de sa musique, ses idées, mais aussi de son travail en tant que cinéaste et écrivain, parce qu'elle est aussi cinéaste, elle est aussi écrivaine. Je l'ai pas vue en scène, mais on dit qu'elle a un grand charisme. Sa devise est fort intéressante. C'est la suivante. Mana Maori, soyez fiers de vos racines Maori. Mana Waine, soyez respectez les femmes. Et Mana Tangata, respectez tout être vivant. Belle devise, n'est-ce pas? Tout au long de sa carrière de plus de 12 ans, Moana et son groupe se sont produits sur de nombreuses scènes et dans divers festivals dans le monde entier. Ils ont remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Comme vous allez l'entendre, la musique de Moana and the Tribe est un heureux mélange de musique, enfin je trouve, de musique maori et de musique occidentale. On va écouter Ta'i, qui veut dire racine, Te'apo, qui veut dire abus, et Te'tiriti, qui fait référence à un traité, je ne sais pas lequel, hélas. On écoute ces trois pièces du groupe Moana and the Tribe. Tatangi mai e raro e ave ka Amorti, notado, poti coyere, coyere. On imagine la scène, on imagine le spectacle qu'on a devant nous quand on écoute ce qu'on vient d'écouter, Thierry. On va écouter on a le temps d'écouter deux autres chansons. La première, c'était Cacano, et ça va être suivi de Titia. Et ensuite, c'est Michel Bonaparte qui va suivre avec Topic du Capricorne. Un mot sur Cacano. Cacano, c'est aussi le nom d'un programme destiné à venir en aide aux jeunes Maoris. On imagine facilement, on peut en référence, pensez aux Premières Nations, aux jeunes des Premières Nations, on imagine facilement la difficulté de vivre son identité culturelle dans un monde où il y a une différence quand même importante entre l'identité de la majorité de la population et celle de peuples qui sont minoritaires. Cacano, ça veut dire racine du changement, et l'objectif du programme, c'est de venir en aide à ces jeunes Maoris qui ont la difficulté à vivre le choc culturel. Je ne sais pas si la chanson fait référence à ce programme, mais en fouillant un peu, j'ai découvert ce programme et je me suis dit, ça serait intéressant d'en parler parce que je pense que c'est important de faire le parallèle avec ce que peuvent vivre les jeunes des Premières Nations ici au Québec. On écoute donc Cacano, suivi de Titia. Te kohanga iwi, tōna tiro tiro mawe he mā. Voilà, c'était Titia de Moana and the Tribe. Moana, c'est Moana Maniapoto. Il me reste le temps de vous souhaiter de passer une belle semaine et je vous laisse entre les mains de Michel Bonaparte pour l'émission Topic du Capricorne. À la prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.